Le livre du Deutéronome. Le Deutéronome est le cinquième livre de Moïse. Il achève le Pentateuch, ce groupe de livres qui révèle l'origine d'Israël et ses expériences au désert. Je rappelle que la Genèse raconte entre autres la vie d'Abraham et de ses descendants. L'Exode décrit la sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge et les étapes du voyage d'Israël jusqu'au mont Sinaï, où Dieu donna ses lois et ordonna la construction d'un temple portatif appelé tabernacle. Le Lévitique est entièrement consacré aux ordonnances réglant les fonctions des Lévites au tabernacle. Et les nombres résument les principaux événements qui se sont déroulés depuis la deuxième année après la sortie d'Égypte jusqu'à la 40e, à la veille de l'entrée en Palestine. Quant au Deutéronome, les premiers versets de ce livre nous montrent qu'il rapporte surtout des discours prononcés à partir du premier jour du 11e mois de cette 40e année. Moïse s'adresse à la nouvelle génération d'Israël, celle qui est née au désert et qui n'a pas vécu l'extraordinaire délivrance de l'Égypte, ni le moment exceptionnel de la révélation de Dieu au mont Sinaï. Il est probable que, pour ces enfants d'Israël nés dans le désert, tout soit devenu routine. Les soins de Dieu se sont renouvelés chaque jour, la manne est tombée chaque matin, l'eau vive a coulé du rocher, mais ont-ils apprécié ces bienfaits quotidiens de l'Éternel? Même l'exercice du culte au tabernacle est peut-être devenu une tradition vide de sens. Cette génération n'a pas non plus d'adversaire. Elle ne sait pas ce qu'est la guerre ni le combat spirituel. Le pays promis l'attend. La conquête de Canaan est imminente, mais ces hommes et ces femmes d'Israël n'ont probablement pas même une connaissance personnelle de Dieu. Aussi Moïse, sentant sa fin approcher, insiste-t-il auprès de ces Israélites pour qu'ils s'attachent à l'Éternel et l'adorent lui seul. Dans les trois premiers chapitres du Deutéronome, Moïse récapitule les différentes étapes parcourues par le peuple depuis le mont Sinaï. Dès le chapitre 4, il exhorte Israël, le suppliant de prêter garde à la parole divine. « Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. » Pour Israël, la parole de Dieu était une règle de vie, une expression directe de la volonté souveraine de l'Éternel. S'il voulait la bénédiction, il fallait qu'il se conforme à cette parole. Or, nous pouvons à notre tour faire cette expérience aujourd'hui même. La mise en pratique de la parole divine appelle toujours sur nos vies la bénédiction du Seigneur. Puis, au chapitre 5, Moïse convoque le peuple pour rappeler les 10 commandements, puisque la deuxième génération d'Israël n'avait pas assisté à leur première promulgation au mont Sinaï. Deutéronome 6 résume les données essentielles de la loi, ainsi que le montrent les versets 4 et 5. « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et c'est ainsi que le Deutéronome est rempli d'exhortations que Moïse prononça probablement sur un ton pathétique. Comme il était prophète, il avait été averti par Dieu des prochaines désobéissances d'Israël. Il savait qu'après sa mort, le peuple se corromprait dans l'idolâtrie et il voulait en prévenir les conséquences désastreuses. Il insistait, il avertissait, il reprenait des thèmes déjà abordés dans l'Exode et le Lévitique, plaidant de toute sa force auprès des enfants d'Israël afin qu'ils ne pêchent point, Deutéronome 7. Au chapitre 8, Moïse expliqua aux Israélites les raisons pour lesquelles Dieu avait permis ce long voyage de 40 ans au désert. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » L'éducation spirituelle de l'Éternel a toujours un but, et Dieu permet parfois l'épreuve pour nous apprendre, à nous aussi, de précieuses leçons. Pendant 40 ans, Dieu a miraculeusement pris soin d'Israël, et pendant 40 ans, Dieu lui a parlé. Sommes-nous conscients des bontés du Seigneur à notre égard et de l'enrichissement spirituel que nous pouvons retirer de l'Écriture sainte, la parole que Dieu adresse à chacun de nous? Au chapitre 9 et 10 du Deutéronome, Moïse rappelle de tristes expériences qui devaient servir d'avertissement à la nouvelle génération. Puis, il revient à l'importance de la parole de Dieu, chapitre 11. Et dès le chapitre 12 jusqu'au chapitre 27, il semble que Moïse plaide avec encore plus de ferveur, répétant les lois et les ordonnances des livres précédents, en vue de la nouvelle situation qui va se présenter bientôt. Comment Israël appliquera-t-il la loi quand il sera dans le pays promis, face aux Cananéens idolâtres, et lorsque ceux-ci le tenteront en l'engageant à adorer de faux dieux? Depuis les événements de Nombre 20, Moïse sait qu'il n'entrera pas lui-même en Palestine. Aussi éprouve-t-il le besoin de transmettre au peuple son testament sur le plan spirituel. C'est une mise en garde contre les idoles et la désobéissance aux lois divines. Et c'est un plaidoyer en faveur de l'attachement à Dieu. Et parce que Moïse est un prophète, il voit au-delà des événements qui vont se dérouler lors de la conquête de Canaan. Il voit même très loin dans l'avenir, jusqu'à l'époque où Jésus-Christ viendra se manifester à Israël comme Messie. C'est pourquoi nous lisons au chapitre 18, verset 15. « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Dans ces quelques mots, Moïse n'envisage pas seulement le ministère des nombreux prophètes qui se sont adressés à Israël par la suite, mais il entrevoit surtout le Fils de Dieu dans sa venue sur la terre. Or, Jésus lui-même s'est identifié à Moïse lorsqu'il a dit aux Juifs « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. » Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 46. Les chapitres 28 à 34 du Deutéronome mettent le peuple devant un choix, la bénédiction ou la malédiction. Bénédiction dans l'accomplissement des instructions divines, malédiction dans la désobéissance à la loi. Et d'emblée, nous sommes frappés de voir que cette malédiction prend beaucoup plus de place que la bénédiction. Le chapitre 28 en est bien la démonstration, puisque 14 versets sont consacrés à la bénédiction et 52 à la malédiction. Puis, Moïse enseigne un cantique à la nouvelle génération d'Israël, pensant peut-être que par ce moyen, les ordonnances de Dieu seront mieux gardées dans leurs esprits. Enfin, après sa bénédiction prophétique aux 12 tribus, il se rend sur le mont Nebo, face au pays de la promesse, et là, après avoir contemplé la Palestine, il meurt à l'âge de 120 ans. C'est le sujet du dernier chapitre du Deutéronome. La lecture des avertissements adressés par Moïse juste avant sa mort nous fait penser aux avertissements prononcés par un autre serviteur de Dieu dans la Bible, par l'apôtre Paul. Lors de son dernier entretien avec les anciens de l'église d'Éphèse, il déclara ce que nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 20, versets 28 à 32. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » L'apôtre Paul savait que les faux prophètes troubleraient l'Église primitive. Mais il recommandait tous ses croyants à Dieu et à la parole de sa grâce, afin qu'ils demeurent fidèles et qu'ils entrent dans leur héritage. N'est-ce pas exactement ce que Moïse avait fait dans son livre du Deutéronome? D'une part, il annonçait l'irruption des faux prophètes et des séducteurs qui attireraient Israël à l'idolâtrie. D'autre part, il recommandait la nouvelle génération d'Israël née au désert à Dieu et à la parole de sa grâce, afin qu'elle entre dans l'héritage qui lui était destiné, à savoir le pays promis. Oh, la merveilleuse unité de l'Écriture qui nous permet, après la lecture du Deutéronome et face au temps grave que nous traversons, face à la crise universelle de la foi et face à la multitude des faux prophètes modernes, de prendre aussi pour nous l'avertissement de Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20, que nous vous invitons à lire avec nous. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Aujourd'hui, Dieu vous invite aussi à choisir. Qu'il vous soit fait la grâce de bien choisir et que le Seigneur vous bénisse.